Et ensuite, donc dernière information. Donc en fait, je vais présenter le prédicateur de la matinée. Alors j'avais un verset pour présenter Greg ce matin. C'est dans 1 Corinthiens. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, donc c'est Greg ce matin, donc, et c'est pour toi, prends. Prends. Merci chérie. Et c'est pour moi un moment important. Vous savez, dans notre culture française, Noël, c'est la naissance de Jésus, on célèbre Jésus, c'est le sauveur du monde et c'est Noël. Donc on fait des cultes de Noël et on célèbre Jésus et j'en suis très heureux parce que je ne suis pas un anti-Jésus. Mais je trouve que c'est quand même bizarre que pour le Saint-Esprit, ça soit juste un petit jour férié et puis on n'a pas le même entrain, on n'a pas le même honneur. Alors que la Bible nous présente, je ne vais pas du tout prêcher finalement aujourd'hui, parce que ça fait la cinquième fois que ça change, j'ai plein de choses dans ma tête. J'ai dit, alors j'ai bien compris quand c'est comme ça, c'est que ça, on va pas suivre ce qui est écrit là, peut-être un ou deux versets, mais je veux juste que vous repartiez avec une connaissance du Saint-Esprit, parce que oui, dans notre culture, il y a des croix partout, parce que Jésus a donné sa vie, c'est le sauveur de l'humanité, et il y a quand même une assez bonne connaissance de qui est Jésus. Et c'est bien, je ne suis pas en train de vous dire que moi, Jésus, vous voyez, non, j'honore Jésus, j'aime Jésus. Mais ici, c'est la Pentecôte, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tout autant une divinité, une personne. On va quand même voir quelques textes qui le disent. Mais beaucoup de croyants ne connaissent pas toute la portée et la puissance. Tout comme, vous savez, quand on ne connaît pas Jésus, on passe à côté du salut. Et quand on rencontre Jésus de manière surnaturelle, pas de manière intellectuelle, mais qu'il devient vraiment notre sauveur, notre Seigneur, et qu'on établit une relation personnelle avec lui. Vous savez, moi, je ne connaissais pas Katia Delage, parce que ça s'appelait Delage, je ne connaissais pas Katia Delage jusqu'à l'âge de 20 ans. On m'aurait parlé de Katia Delage, elle est super, elle va changer ta vie, tu vas l'aimer. Je ne la connaissais pas. Et puis, je l'ai rencontré et j'étais foudroyé. J'ai vraiment le coup de foudre existe. C'était à Toulouse, hein, on marchait, on était amis, hein, on marchait dans le supermarché. Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, c'est quand que tu fais ta prochaine vidange? Parce que j'avais acheté la toute nouvelle Golf. C'était le premier, je pense, à avoir cette Golf. C'était vraiment, j'avais tout mis mes économies. Et elle se tourne vers moi, elle me dit, et c'est quand ta prochaine vidange? Et là, bam, coup de foudre. Et elle part, et je la regarde, et je dis, waouh. Enfin, voyez-vous, le coup de foudre existe. Physiquement, je tremblais, le ventre, un feu, mon cœur, vous voyez. Et puis je la vois, et puis un autre regard est complètement chamboulé. J'étais comme KO, le coup de foudre, hein, vous êtes KO. Et après, bon, ça serait une autre histoire, mais après, il a fallu qu'on s'accorde, qu'elle aussi tombe amoureuse, parce qu'elle n'était pas. Et bon, bref, mais tout ça pour vous dire que jusqu'à l'âge de 20 ans, ben, on m'aurait parlé de Katia, je dis ouais, Katia, ouais. Et peut-être que vous, par rapport à Jésus, c'est pareil, on vous dit ah, Jésus, ah ouais. Mais il vous faut ce coup de foudre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Katia l'a dit, les discours de Paul ne reposaient pas, c'était un pasteur, Paul, ses discours ne reposaient pas sur des échanges persuasifs. Il essayait de convaincre les gens avec beaucoup de sagesse. Il y avait une démonstration de puissance. Et cette puissance, ce n'est pas Paul qui l'avait, ça venait du Saint-Esprit. Donc, ne pas entrer en relation, si je n'étais pas rentré en relation avec Katia, je serais célibataire encore aujourd'hui et je n'aurais pas d'enfant. Et j'aurais une vie vraiment très, très terne et fade. Aujourd'hui, je n'ai pas une vie terne et fade avec Katia. Elle dit amen, elle confirme. Mais c'est la même chose pour vous. On peut entendre parler de Jésus, mais il faut bam, ce coup de foudre, parce que ça change votre vie. Connaître Jésus, ça va vous permettre de découvrir le salut. Connaître le Saint-Esprit, peut-être vous êtes croyant, On va voir tout à l'heure, ça existe. Ça existait dans la Bible déjà, il y avait des croyants qui connaissaient Jésus, mais qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et peut-être que vous connaissez Jésus, vous avez une relation avec Jésus, comme moi j'ai une relation avec Katia, mais peut-être que vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, qui est aussi une divinité. Et j'aimerais lire, à propos du Saint-Esprit avec vous, ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit. Et ça, pour moi, vous voyez, quand j'étais tout nouveau chrétien, quand j'ai rencontré Jésus, il y a plein de textes que je n'aimais pas dans la Bible, parce que je voulais comprendre. Et ce texte, je ne l'aimais pas. Parce que je disais, mais ça sent l'arnaque à plein nez. Vous savez, j'étais un commerçant, j'ai fait les marchés, j'ai travaillé avec des Juifs, des Iraniens, avec tous les Orientaux. Et donc, j'ai développé un certain sixième sens quand il y a une arnaque. Et j'avais donc 18 ans quand j'ai rencontré Jésus, ce fameux « bam », ce fameux coup de foudre. Et quand j'ai lu Jean 16, 7, j'ai dit « oh, ça sent l'arnaque ». Et j'ai eu besoin de comprendre ce texte. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de le comprendre, comme moi. Lisons-le ensemble. Jésus, donc, il est en train de préparer son départ, là, vous voyez. Donc, il va voir ses disciples et il prépare son départ. Et il dit la chose suivante. « Je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Et là, il parle, le Consolateur, il parle du Saint-Esprit. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » J'aimais pas ce texte parce que je disais, ça sent l'arnaque. Ça sent le gars qui dit, bon, je ne peux plus les supporter, il faut que je parte. Et comment faire pour négocier mon départ sans qu'il soit trop choqué? Et je n'étais pas d'accord avec ce texte parce que ce texte, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi, Jésus? Ça ne va pas non dire ça. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Les gens qui sont sous oppression démoniaque sont délivrés. Mais qu'est-ce qui peut être plus avantageux? Moi, j'ai pas envie. Moi, je dis, rap, tu restes ici. On n'en veut pas ton consolateur. Reste là. J'ai tout ce qu'il me faut. On pourrait dire, mais aujourd'hui, nous, si on avait ça, on serait fiers. On irait dans toutes les rues de Béziers comme ça, comme Déborah et Anaïs vont le faire cet après-midi. On crierait. Hey, Jésus est vivant. Hey, venez à Jésus, venez ici parce que on va vous rencontrer quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que le monde de l'époque, malgré la persécution, les chrétiens étaient jetés dans les fosses aux lions. Mais malgré cela, malgré la persécution, l'évangile se répandait comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce que les aveugles voyaient. Et un jour, quand même les gens doutaient de Jésus, Jean-Baptiste a douté de Jésus. Il dit, mais t'es vraiment le Fils de Dieu? Et il a envoyé ses disciples pour poser la question, est-ce que c'est vraiment toi le Fils de Dieu? Et Jésus n'a pas dit oui, non, il a dit, dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent et que les boiteux marchent. Et il dit, c'est le Fils de Dieu, ouais, c'est bon. Vous voyez? Donc, quand Jésus dit, moi cette dimension, depuis qu'il est parti, on m'en parle, je vous en parle, on lit la Bible, on dit, waouh, c'était fort, hein? Mais on en parle un peu comme au passé. On vous en parle, mais on peut dire, Jésus est parti au ciel avec cette dimension. Et elle nous fait rêver. On dit, oh, waouh, ça c'est beau, on vivre avec Jésus il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le même. On parle de ça, c'est des souvenirs. Ah oui, le bon vieux temps. Ah ouais, vous voyez, mais c'est passé. Nous, il y a une grande différence. C'est pour ça que quand moi, je voyais, j'avais 18 ans, je venais rencontrer Jésus. Et je voyais, il vous est avantageux que je m'en aille. Je dis, non! C'est pas vrai. Il n'est pas, absolument pas avantageux que tu t'en ailles. Pourquoi je pensais ça? Parce que peut-être que comme vous, peut-être comme la plupart des croyants, peut-être comme la plupart des églises évangéliques, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'étais vraiment, quand Jésus disait « Il vous est avantageux que je m'en aille », moi je faisais « Hop, reviens ici toi. Tu t'en vas pas, non? Tu restes là. » Non, c'est pas vraiment pas ça, c'est une arnaque. Ça, c'est pour partir poliment. Vous savez, quand vous faites ça, vous aussi. Quand on est un petit peu gêné et puis qu'on veut partir, j'ai du travail en ce moment, je pense que tu as besoin de te reposer, je vais te laisser. Non, j'ai pas besoin de me reposer. Non, mais si, je crois, t'es vraiment fatigué. Non, je suis pas. Si, tu t'es fatigué, je te dis, bon, me laisser partir, oui. Vous savez, quand on est un petit peu gêné. Moi, j'avais ce sentiment-là quand je lisais ce texte. Jésus qui dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, si je m'en vais, pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il est ici question du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des méconnaissance. Pourquoi well, avant de j'ai un autre texte que j'ai pas dans le PowerPoint, mais pourquoi Jésus parle du Consolateur et pourquoi il dit que c'est si avantageux que cela? Jean 14, verset 16, nous dit la chose suivante. Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Deux choses. Jésus dit, moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne quoi? Un autre Consolateur. Ça veut dire quoi? Ça fait que les disciples, ils connaissaient Jésus, c'était leur Consolateur. Et Jésus dit, vous voyez, la relation que vous avez établie avec moi, moi, je m'en vais, il y a un autre Consolateur qui va venir. Et lui, il va demeurer éternellement avec vous. Jésus est resté que 3 ans avec les disciples. Mais Jésus dit, hey, cet autre Consolateur, lui, il va demeurer éternellement avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les disciples, ils ont établi une relation avec Jésus. Et Jésus leur dit, il y en a un autre qui va venir. Je vous envoie un autre. Donc eux, ils ont fait quoi? Ben, ils ont tout ce qu'ils ont développé avec Jésus, ils ont commencé à le développer avec cet autre Consolateur. Je vous envoie un autre Consolateur. Donc, je vais te remplacer. Il y a un remplaçant. Ah, ok. Donc, du coup, ce n'est pas avec, avec toi. C'est plus avec toi qu'on va interréagir, mais c'est avec le Saint-Esprit. Et là, le gros problème des croyants, il est là. C'est que nous commençons à interréagir avec Jésus et on expérimente le salut, mais ça s'arrête là. Et Jésus a dit, non, je vous envoie un autre Consolateur. Et lui va demeurer éternellement avec vous. Moi, je pars. Mais lui demeure avec vous éternellement, physiquement sur la terre. Et nous, on regardez d'ailleurs les chants. On chante Jésus, on célèbre Jésus, on adore Jésus qui est notre sauveur. Mais la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus n'est pas là. Par le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est aujourd'hui le relais qui nous permet d'être connectés avec le ciel. Vous savez, quand on veut, je sais pas, écouter la radio ou la télévision, il faut un point d'émission et un point de réception. Donc, du haut du ciel, le Père émet du ciel des bénédictions pour chacun d'entre nous. Mais s'il n'y a pas d'antenne, ça te fait une belle jambe. Là, vous savez, il y a les ondes de TF1, de France 2, de toutes les radios, elles sont là. Mais si on n'a pas un récepteur, ben, ça vous fait une belle jambe. Là, il se passe des tas de choses à la télé. Mais la preuve, c'est que je mets un récepteur et on va pouvoir capter ce qui se passe au niveau des chaînes de télé en ce moment même que je vous parle. Les ondes sont là. Et la présence de Dieu par le Saint-Esprit, elle est là. Dieu émet des choses. Là, en ce moment même, alors que je vous parle, il y a des choses spécifiques pour chacun d'entre vous. Il y a des choses du ciel qui se déversent pour vous, pour votre réussite, pour votre bonheur, pour votre épanouissement. En ce moment même. Mais s'il n'y a pas de... Ça, c'est l'émetteur. S'il n'y a pas de récepteur, on dit, ah ben, j'entends pas ce qui se passe sur TF1 en ce moment. Oui, mais il se passe des choses. Mais pour les entendre, il faut juste... Ça ne sert à rien qu'on discute, mais non, j'y crois pas. Si, il faut juste installer un récepteur. Et le récepteur s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, cet autre Consolateur qui nous permet d'expérimenter la présence de Dieu. Imaginez que, si tu peux venir, Nico, pour que vous compreniez ce que les disciples ont fait. Voilà, je te demande juste de tenir cette bouteille d'eau. Imaginez que je suis là, puis j'ai très soif, et c'est vrai, j'ai soif, et je crie à Dieu, parce que Dieu, il fait des miracles. Dieu, il est bon. Dieu, j'ai besoin d'un miracle. Et je dis, Seigneur, donne-moi à boire, j'ai soif. Seigneur, je t'en prie, donne-moi à boire, j'ai soif vraiment. Je veux une bouteille d'eau d'Évian, je veux pouvoir l'ouvrir et pouvoir boire. Seigneur, fais quelque chose. Et vous voyez, il n'y a pas de bouteille d'eau. Et puis on prie. Et puis on est déçu. Puis on est là. Seigneur, je t'en prie, je veux vraiment une bouteille d'eau. Je veux une bouteille. Pardon, excuse-moi, je suis en train de prier. Je veux une bouteille d'eau. J'ai vraiment soif, tu sais. Donc je demande à Dieu qu'il me donne une bouteille d'eau. Donc Seigneur, je veux une bouteille d'eau, mais tu peux pas. Les gens, les chrétiens, ils disent que tu es bon. Pourquoi tu me laisses comme ça? Mais je comprends pas comment ça se fait que Dieu me laisse comme ça. Tu vois, je suis en train de. Puis après, on devient des incroyants. On est en colère contre Dieu parce qu'on dit c'est pas possible. Ça, je crève de soif. Et certains même crèvent, vraiment. Et les gens disent, waouh, s'il y avait un Dieu. Et le Saint-Esprit, en fait, a été envoyé sur terre. Et c'est la réponse de Dieu. Et si Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Moi, j'ai fait 3 ans de ministère avec vous, 33 ans. Dieu marchant sur la terre, Dieu qui s'est fait homme. Vous voyez, je rachète l'humanité. Ça, c'est le salut. En Jésus, nous avons le salut. En le Saint-Esprit, nous avons la puissance. Nous avons donc, en établissant une relation avec Jésus, le salut commence à agir en vous. C'est-à-dire que vous commencez à... Votre caractère change. Vous commencez à ressentir la présence de Dieu physiquement, comme moi, le fameux coup de foudre. Vous ressentez. C'est pas juste « je pense que Dieu existe » ou « je pense que Dieu n'existe pas ». Non, tu dis « bam !» Tu dis « waouh, ouais !» Vous savez, il est là, ouais. Il n'y a pas de question. Mais comment ? Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais parce que moi, au début, quand j'ai rencontré Dieu, je pouvais pas l'expliquer. Mais je n'ai jamais émotionnellement ressenti quelque chose d'aussi fort. Jamais, c'était fort. Et c'était très difficile à décrire, mais j'étais convaincu. Par quoi ? Par l'expérience, l'expérimentation. Je savais. Parce que j'ai ressenti quelque chose. Ça, c'est le salut. Mais la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et peu, je pense, peut-être vous aussi, le Saint-Esprit, c'est pas juste shadabadabadabada, ça, c'est un signe. C'est le parler en langue, c'est juste un signe. Mais pour bénéficier de la puissance de Dieu, il faut que je commence à développer une relation avec le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es sur la terre, tu es cet autre consolateur. Les disciples ont établi une relation avec Jésus. Puis après, Jésus est parti et Jésus leur a dit que tu serais cet autre consolateur et que tu vas demeurer avec moi éternellement. Et tu es Dieu aussi. Saint-Esprit, j'ai soif et je veux boire. Merci Saint-Esprit. Je te remercie Saint-Esprit. Merci. Est-ce que tu peux m'ouvrir la bouteille d'eau, Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Alors j'avais soif et ça fait du bien de boire. Ça, c'est la vie chrétienne. Le salut en Jésus, la puissance dans le Saint-Esprit. OK? Et il faut que je regarde le temps. C'est fini. Donc je vais faire ma conclusion. Mais je veux lire Actes 19, versets 1 à 7 avec vous, parce que peut-être que vous ressemblez à ces croyants-là, qui connaissent Jésus, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, donc c'est la Turquie. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Pas « Avez-vous reçu Jésus ?»« Avez-vous reçu ?» Je ne dis pas de croire, hein. Je ne suis pas en train de vous demander si vous croyez au Saint-Esprit ou pas. Je vous demande si vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand vous avez cru et répondir, nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et peut-être vous êtes comme ça, vous aussi. Ça me parle, ça. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait même un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. OK? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, le parler en langue et la prophétie, c'est des conséquences. C'est-à-dire que ça veut dire quoi la prophétie? C'est que vous allez avoir des intuitions. Comme moi tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui vous devez donner le pardon, mais il y en a certains, vous devez le recevoir aussi. Puis toutes les paroles que Katia, que Déborah, que Naomi ont données, c'est ça. Il me semble que j'ai cette perception. Il y a une sensibilité spirituelle qui va commencer à se développer. Mais vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent dans la même situation que ses disciples, ses croyants. Certains sont baptisés, certains sont confirmés, certains sont pratiquants occasionnels, certains sont des pratiquants réguliers, mais pourtant ils ne savent rien, ou presque rien sur le Saint-Esprit. Soit le Saint-Esprit est juste une puissance, est juste une atmosphère que Dieu nous communique, soit c'est une personne divine, digne de recevoir notre adoration et notre amour. Si le Saint-Esprit est une personne divine et que nous vivons sans avoir une relation avec lui, eh bien, nous dérobons à un être divin l'amour et l'adoration que nous lui devons. Il y a un texte qui, dans la Bible qui dit, je ne sais plus, c'est dans Corinthiens, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 Corinthiens, qui dit, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Nous, on parle du Seigneur Jésus. La Bible dit, parle le Seigneur l'Esprit. Waouh! La Bible donne toute une divinité à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une atmosphère, une puissance, c'est une personne. On peut regarder rapidement. Le Saint-Esprit a une volonté. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit distribue les dons, mais comme les dons spirituels, comme il le veut. Donc ce n'est pas Dieu qui distribue les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit, et il le fait comme il le veut. Donc il est doté d'une volonté. Donc ça prouve que c'est une personne. Deuxièmement, l'intelligence. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit réfléchit. On continue. La connaissance. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si tu te poses des questions à l'égard de Dieu, tu dis, mais je veux connaître plus Dieu. Je veux en savoir plus sur Dieu. La Bible nous dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc tu veux apprendre, tu veux expérimenter avec Dieu, il faut que ça passe, comme je l'ai fait tout à l'heure, commence à t'adresser au Saint-Esprit. Peut-être c'est ce qu'on va faire dans quelques instants maintenant. Commence à t'adresser au Saint-Esprit. Tu t'adresses à Jésus, c'est pour le salut, et c'est très très bien. Tu t'adresses à Dieu, ben c'est pour la prière. La Bible nous dit de prier le Père. Le Notre Père, vous connaissez Matthieu 6. Mais s'adresser au Saint-Esprit, c'est pour recevoir la puissance. J'aimerais continuer un petit peu. Continue. Ça, tu peux enlever. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ressent des émotions, comme vous. Donc, il est comme quand j'ai fait l'image avec Nicolas. Imaginez que pendant des années, Nicolas demeure avec moi éternellement. Imaginez ça fait 24 ans qu'on est marié avec Katia et que je ne lui adresse jamais la parole. Aucun compliment. Je ne l'aide pas. Je n'interréagis pas avec elle. Ben, ça serait... ça serait pas possible. On se serait séparés. Elle serait partie. Et qu'est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit peut ressentir toutes ces heures qui passent, ou ces mois, ou ces années de votre vie, il est là et vous n'êtes jamais rentré en relation avec lui. Imaginez des parents, vous avez des enfants et vous ne leur parlez pas. Ils sont là, ils viennent vous voir, puis vous ne leur parlez pas, vous les ignorez. Mais vous imaginez dans quelle difficulté émotionnelle et psychologique l'enfant va grandir, parce que l'enfant a besoin de relations et de communion. Et le Saint-Esprit peut être attristé également, il ressent des émotions. Alors, je veux juste terminer, comme je vous l'ai dit, je ne prêchais pas. On va partir. Vas-y, enlève encore. Encore. Vas-y. Ouais, c'est bon, on va s'arrêter là. Comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est ce qu'on va faire maintenant. On va vous donner l'occasion de recevoir le Saint-Esprit et de commencer à démarrer une relation avec lui. Parce qu'il exerce un ministère tellement puissant. Le Saint-Esprit peut communiquer les dons spirituels. Le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit peut vous parler. Le Saint-Esprit, Romains 5, nous dit qu'il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Tu veux ressentir l'amour de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que tu vas le ressentir. Tu cherches des réponses, tu dis, mais je l'ai passé là, mais j'ai besoin de direction. Et à un moment donné, dans le texte que j'ai passé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit parle à Paul et lui dit, va dans cette région. Il y a des fois des questions qu'on se pose, mais qu'est-ce que je dois faire là? Quelle décision je dois prendre? Et le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour nous éviter de faire et de prendre des mauvais choix. Alors, Est-ce que tu as de la louange douce? Ok. Donc on va mettre de la louange tout de suite. Et puis je vais vous donner quelques, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir juste commencer votre relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ça a fait du bruit. C'est à partir de la, du ministère du Saint-Esprit que l'Église est née. Et le premier pas pour recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas reçu Jésus. Jean 3, versets 5 à 8 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, c'est un chef religieux qui dit, mais comment je peux naître de nouveau? Est-ce que je peux rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère? Puis, poum, vous voyez? Et puis renaître? Non, c'est la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Un nouveau-né, vous savez, il résulte de l'union physique d'un homme et d'une femme. Et l'union de l'Esprit de Dieu à l'esprit d'un être humain produit un nouvel être spirituel, une nouvelle naissance. C'est comme si tu démarres maintenant comme une nouvelle vie. On met des compteurs à zéro. Et je t'invite tout simplement maintenant à fermer les yeux pour commencer à expérimenter la venue et la réception du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la réception d'une nouvelle nature. La nature de Dieu qui vient dans ta vie par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est la communication de la vie de Dieu à une personne qui jusqu'alors était morte spirituellement à cause du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui communique cette vie. C'est pas, peut-être que tu es croyant, mais ce n'est pas la vie d'église ou ce n'est pas la louange qui font de nous des enfants de Dieu, mais c'est l'œuvre bienfaisante du Saint-Esprit. Et la première chose que je veux faire avant de prier pour vous, c'est permettre, il faut qu'on soit tous au même niveau. Peut-être que certains, vous êtes croyants ici. Vous croyez en Dieu. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus a dit, hey, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et Jésus t'invite ce matin, non pas à croire en lui, non pas à revenir à l'église, à prier, mais à naître de nouveau. C'est-à-dire, ta nature pécheresse, ta nature humaine, disparaît. Et il y a la nature divine, par le Saint-Esprit, qui commence à prendre place en toi. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et puis, il y a toutes sortes de choses que tu as vécues dans ta vie qui sont venues polluer, parasiter cette image. Et Dieu veut vraiment que tu reviennes à l'image d'origine. Le péché est venu... c'est comme si le péché... C'est comme un stylo, un feutre, et on fait plein de cribouillis sur une page blanche. Et Dieu, la nouvelle naissance, c'est une gomme qui vient, qui efface tout. Et la page redevient comme elle était au départ. Et tu as vécu toutes sortes de choses négatives dans ta vie. Et la première porte que je t'invite à franchir, il y en aura deux ce matin, c'est de naître de nouveau. Pas forcément de venir à l'église, de prier. Non, non, est-ce que tu peux? On peut prier, on peut venir à l'église et sans pour autant être né de nouveau. La nouvelle naissance va te permettre de recevoir cette nature divine, ce fameux coup de foudre que j'ai expérimenté moi-même à 18 ans. Je suis un enfant de pasteur, j'ai grandi dans l'église. Tout bébé, j'étais dans l'église. J'avais une semaine, j'étais déjà dans l'église. Et pendant 18 ans, j'ai entendu des tas de choses. J'ai vu mon père prêcher. J'ai entendu des tas de chants. Et ça n'a pas changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est quand je suis né de nouveau. La nature de Dieu est venue dans ma vie. Et si tu veux naître de nouveau, je t'invite tout simplement à lever ta main bien haut. Maintenant. Dire oui, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux accueillir cette nature divine en moi. vais prier pour tous ceux qui ont la main levée maintenant. Parce que vous levez votre main devant Dieu. C'est un signe devant Dieu. Dieu voit votre main. Dieu, vous matérialisez au travers de cette main levée. Il faut du courage pour lever la main. Parce qu'on sort de l'anonymat quand on lève sa main. On sort de l'anonymat. Et on dit, maintenant, Seigneur, oui, je veux pas être simplement un croyant, mais je veux être un disciple, comme les 12 qui te suivaient, Jésus, qui avaient une relation intime avec toi. Et je veux accueillir la nature divine. Je veux accueillir le Saint-Esprit dans ma vie. Et je vous invite à faire cette prière avec moi, tout simplement. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te demande pardon pour ma vie de péché. Je te demande pardon pour mes échecs passés. Et je crois que tu es venu sur la terre pour nous permettre de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et ce matin, je fais le choix de ne pas être uniquement un croyant, mais je fais le choix de devenir un enfant de Dieu. Je veux connaître Dieu, non pas uniquement comme une divinité, mais comme un Père. Je prie pour recevoir la nature de Dieu en moi. Je veux recevoir le Saint-Esprit également. Et je te demande, Saint-Esprit, de me remplir. Je te demande, Saint-Esprit, de venir dans ma vie maintenant avec ta puissance, avec ton amour, avec ta sagesse, pour m'aider à faire le bien, pour m'aider à faire les bons choix, pour m'aider à faire le ménage dans ma vie et me débarrasser de tout ce qui pourrait être des obstacles. Saint-Esprit, sois une lumière maintenant dans ma vie. Éclaire-moi. Brille dans ma vie. Brille dans ma conscience. Remplis-moi, Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je veux juste faire un appel pour tous ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai lu ce texte de Paul qui a prié pour ses croyants qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il leur a imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je fais un appel pour tous ceux qui le souhaitent. Vous allez vous lever et vous avancer. Et on va faire exactement la même chose. Je vais poser mes mains, tout comme Paul a posé ses mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Je vais poser mes mains sur vous, l'équipe aussi, Naomi, Katia, Solange, Nicolas, vont prier pour vous, juste pour que vous receviez le Saint-Esprit et pour que vous soyez tranquille et que vous ayez la foi de ce qui va se passer. Je vais vous lire les paroles de Jésus à propos du Saint-Esprit. Luc 11, versets 9 à 13, tu peux le mettre. On va le lire ensemble, c'est vous expliquer ce qu'on va vivre maintenant. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Wow. Première chose, c'est pour ça que je vous demande de vous avancer. C'est là d'autres, vous pouvez vous lever et venir. Je vais prier pour vous maintenant. Parce que Jésus, hey, si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, on va ouvrir. Et le fait de vous lever, de vous avancer, c'est une démarche de foi. Vous dites, hey, oui, moi je veux. Je sors de l'anonymat et je veux. Et ensuite, Jésus nous rassure, il dit, hey, un père, vous êtes méchant, c'est-à-dire vous n'êtes pas très parfait, mais vous donnez des bonnes choses, malgré cela, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Mais à plus forte raison, Dieu, si vous demandez le Saint-Esprit ce matin, il va vous le donner. Parce que Dieu donne des bonnes choses. Si on demande à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et vous allez commencer à développer, comme je l'ai fait avec Nicolas, le but de cette matinée, c'est que ce soit votre Pentecôte et que vous puissiez commencer à développer aussi une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas vous sauver, c'est Jésus qui vous sauve. Mais le Saint-Esprit va vous guider, vous diriger. Il est Dieu présent physiquement sur la terre. Il a été répandu le jour de la Pentecôte. Il n'attend qu'une chose, c'est de développer une relation avec vous maintenant. Comme moi j'ai commencé à le faire. Quand j'ai commencé à m'adresser à Nicolas, j'ai pu boire. Et vous allez commencer à vous adresser au Saint-Esprit et recevoir de sa part maintenant direction, conseil, sagesse, amour. Donc, pour tous ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, je vous invite à vous avancer. Pour les autres, je vous invite à commencer, ceux pour qui on a déjà prié pour cela, je vous invite pendant ce temps de prière et de méditation à faire ce que j'ai fait pour Nicolas. Peut-être que vous devez vous repentir et dire « Hey, je parle beaucoup à Jésus pour le salut, je parle peu au Saint-Esprit pour la puissance. » Et Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, comme a dit Katia, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Mais ça, pour l'instant, pour recevoir cette puissance, il faut établir une relation avec le Saint-Esprit. Et peut-être que c'est ce que vous êtes appelé à faire maintenant, dans ce temps de prière, alors que vous restez assis sur votre chaise.